semaine il faudra viser. Mais la cité veut me faire glisser. Personne croyait en moi, mais sur moi maman misait. Je refusais d'avoir épuisé. Cette année favorable, je veux plus être attristé. Objectif fixé. La conseillère d'orientation m'avait guidé l'école. J'ai écouté comme un con, je suis tombé dans la drogue. Garde à vue sur garde à vue, papa m'a brisé les côtes. J'enchaînais le studio depuis si jusqu'à Noisy-Champs. C'était la fin.